الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la 31e leçon de cette série de leçons sur l'Itqan de l'imam Suyuti. Itqan qui traite des sciences du Coran. Nous avons dit que bon, les sciences du Coran sont les sciences de la descente, les sciences relatives à la descente du Coran, les sciences relatives à l'agencement du Coran, l'agencement vocal et structurel du Coran, sciences relatives au tadwin, c'est-à-dire à la recension du Coran, sciences relatives à l'interprétation du Coran et sciences du tadlil, c'est-à-dire les sciences qui ramènent les arguments de la précédence du Coran. D'accord ? Sur la descente, les sciences relatives de la descente du Coran, on a parlé de ça. Bon, tout début de cette série de Doros, modalité de la descente, descente une seule fois dans la table gardée, descente fragment par fragment, etc. On a parlé de ça. Donc, modalité de la descente, on a parlé des circonstances de la descente, hein, révélation descendue en une seule fois. Bon, distinction entre révélation mécoise et révélation médinoise, les premières et les dernières révélations. Nous avons parlé des causes de la descente des révélations, puis nous avons, en ce qui concerne les sciences relatives au tartil, à l'agencement vocal et l'agencement structurel, on a parlé de l'apparition des qara'at, comment ils sont apparus, les 10 récitants. Les critères d'acceptation d'une lecture, le grand travail d'Ibn Mujahid, Ibn al-Jazari et Abu Amr al-Dani sur ça. Nous avons parlé de l'avantage de la diversité des lectures, hein, la lecture de Nafi', la lecture de Hafs, la lecture de Asim, la lecture de Hamza al-Zayyat, la lecture d'Abu Amr al-Basri, d'Ibn Amr, etc. Bon. Nous avons parlé des avantages de diversité des lectures. Nous avons parlé de l'agencement vocal, les ondes d'articulation des lettres, les fondements spécifiques des lectures, hein, la runna, etc., le med. Nous avons parlé aussi de l'arrêt et la reprise de la lecture, là où il faut s'arrêter, là où il ne faut pas s'arrêter, les convenances relatives à la récitation. Puis nous avons parlé aussi des sciences relatives au tadwin, c'est-à-dire les sciences relatives au recensement, comment le Coran a été réuni, comment il a été écrit au tout début, c'est-à-dire dans les pierres plates, dans les pots, etc. Et il a été réuni, le premier recensement qui a eu lieu à l'époque du calife Abu Bakr Siddiq, puis Uthman, l'excellente recension de Uthman radiallahu anhu, de laquelle s'en est plus après les différentes qira'at. Et sous cette branche-là, les sciences relatives au tadwin, au recensement du Coran, nous avons parlé de l'agencement des sourates, les noms des sourates, les sagesses résidant dans la division du Coran aux sourates, l'ordre du sourate repose-t-il sur un enseignement divin ou non. Nous avons répondu à cette question. Puis nous avons parlé du recensement du nombre des versets, comment il est fait. Et bon, la graphie du Coran, hein, ça c'est en ce qui concerne les sciences relatives de Otadwin, au recensement. Puis les sciences relatives à l'interprétation, c'est la dernière chose qu'on vient de faire. Et à savoir l'interprétation, le cœur du sujet, hein, la finale, puisque toutes ces sciences-là, relatives au tanzil, relatives à la recension du Coran, relatives à l'agencement vocal et l'agencement textuel du Coran, servent cette science-là, à savoir l'interprétation. Nous avons parlé de sa première étape, à savoir le vocabulaire du Coran, comme première étape fondamentale de l'interprétation du Coran, ce qui dit interprétation dit oui, l'explication, donc vocabulaire, bon, logique, il faut comprendre le sens des mots, et puis syntaxe coranique, hein, la syntaxe, l'arabe, c'est ce qu'on appelle l'arabe, hein, le verbe, le sujet, le mubtada, le khabar, le lien entre le verbe et le sujet, les pronoms, les démonstratifs et toute la syntaxe hein, coranique, parce que ça me donne, la syntaxe me donne une idée. En faisant la syntaxe, en faisant l'arabe, j'esquisse la première idée ou l'idée de base du texte coranique. Et nous sommes arrivés à l'état des textes, à la portée des textes. C'est la dernière chose qu'on a faite. Nous avons parlé la dernière fois, bon, de quoi nous avons parlé? Bon, nous avons parlé du muhkam et du mutashabih, qui est l'état du texte maintenant. Le texte, est-il péremptoire? Est-il équivoque? Est-il global? Est-il à portée générale? Est-il à portée restreinte? Est-il abrogeant ou abrogé? Etc. Bon, c'est la dernière chose que nous avons faite. Et aujourd'hui, inshallah, aujourd'hui, nous allons commencer l'abrogeant et l'abrogé. Nasikh ou al-mansour. Je parle de l'état du texte maintenant. L'état du texte. Alors, l'abrogeant et l'abrogé. C'est le 47e chapitre du livre de l'Itran. Je suis dans le troisième volume. C'est ce volume-là qui traite des ahwal an-nas, hein, de l'état du texte coranique. C'est le 47e chapitre du livre de l'Itran. Suyuti, son habitude, qu'est-ce qu'il fait? Bon, quand il commence un chapitre, il cite les références. Il a dit qu'un grand nombre de savants ont consacré des livres à l'abrogeant et l'abrogé. Parmi ces savants, Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam, grand savant, Abu Daoud Sijistani, l'auteur des Sunan, Abu Daoud, Abu Ja'far al-Nahhas, éminent savant, il a fait la syntaxe coranique, Ibn al-Anbari, le grand linguiste, Makki ibn Abi Talib al-Qaysi, grand savant, Ibn al-Arabi, grand savant, Malikite, Ibn al-Arabi al-Maliki, et ils ont dit, tous ces savants-là ont dit que personne ne doit faire le tafsir, l'exégèse du Coran, du livre d'Allah, qu'après avoir appris l'abrogeant et l'abrogé. Fondamental. Bon, les dalils, les preuves du bien fondé de l'abrogeant et de l'abrogé, les preuves qu'il existe, que le nasr existe dans le Coran, l'abrogation, c'est ma nansakh min ayatin. Dans Sourate Al-Baqarah, tout verset que nous abrogeons ou que nous rendons caduc, que nous le remplaçons par un autre verset meilleur ou équivalent. Dans Sourate Nahl, si nous remplaçons un verset par un autre verset, Allah est plus sagement et plus savant au sujet de ce qu'il change. Dans Sourate Ar-Ra'd, Allah efface ce qu'il veut et affirme ce qu'il veut. Ça, c'est un verset qui sert d'argument du bien fondé de l'abrogation. Alors, l'abrogation, nasr, il est de trois sortes. Il est de trois sortes. Il y a l'abrogation qui a enlevé le texte. C'est-à-dire que le passage du Coran qui est récité, il a été enlevé. Il y a l'abrogation qui a enlevé le texte, le passage, et il a enlevé aussi son hukm, son énoncé juridique. D'accord? Une abrogation qui a tout effacé. Aussi bien le texte qui a été récité, qui a été révélé, et puis elle a été effacée, et puis son hukm, son statut, l'énoncé juridique qu'on a tiré de ce passage abrogé. L'imam muslim, rahimahullah, il rapporte dans son sahih que Aïcha a dit, Aïcha, radiallahu anha, a dit, unzila fil Qur'ani 10 rada'at ma'lumatin yuharrim. Il a dit que il fut révélé dans le Coran qu'il fallait 10 tétés pour entraîner l'interdiction. 10 tétés, c'est-à-dire tétés. Le bébé prend le sein de sa mère. Dix tétés pour entraîner l'interdiction. On dit dans le Coran 10 radaat ma'lumatin muharram, fanusikha min dhalika 5 radaat wa sara ila 5 radaat ma'lumatin muharram. Il fut révélé dans le Coran qu'il fallait dix tétés pour entraîner l'interdiction. Cinq de ces tétés furent abrogés. Il en reste donc cinq, comme l'on sait, et elles sont cause d'interdiction. وصار إلى 5 رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. Le verset sur cette interdiction est encore récité quand le prophète صلى الله عليه وسلم mourut. Alors, ça c'est concernant la parenté de lait. Vous savez, si une femme allaite un bébé d'une autre femme, il devient son fils de lait. La parenté de lait est suivie des mêmes interdictions, des mêmes effets que la parenté par le sang. En ce qui concerne les interdictions matrimoniales, d'accord? Ses frères de lait deviennent ses frères, sa sœur de lait, elle devient un garçon qui a été le même sein d'une... le même sein qu'une fille, il devient son frère de lait, bon, il devient son mahram, il peut voyager avec elle seule et il lui interdit de l'épouser. Donc, c'est des interdictions matrimoniales qui entraînent la parenté de lait. Aïcha, il a dit qu'il y avait un passage du Coran où il est mentionné qu'il fallait 10 tétés pour entraîner l'interdiction. Puis ce passage-là a été abrogé par une autre révélation. Réduisons les 10 tétés à 5. Vous avez compris? Et puis, ce dernier passage, qui faisait partie du Coran, récité, c'est-à-dire qu'on récitait comme un verset du Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort alors que les gens récitaient encore ce passage-là, comme étant du Coran. C'est-à-dire qu'il n'était pas au courant de son abrogation. D'accord? Donc, bien sûr, bon, après, bon, Abu Bakr, radiallahu anhu, il a réuni les textes muhkam et là, les textes qui ont été abrogés, ça y est, bon, ces textes-là ne font plus partie du Coran. Ça, c'est un exemple d'une abrogation qui a enlevé le texte et abrogé le hukm, et abrogé le statut, à savoir 10 tétés. Bien sûr, maintenant, ce sont 5 tétés qui entraînent l'interdiction, l'interdiction matrimoniale. Hein. C'est-à-dire que si la femme donne le sein à un enfant qui n'est pas le sien, et qu'il tète une seule fois, il n'est pas son fils de lait. Il ne l'est que s'il tète 5 fois. Al-Makki, rahmallah, ibn Abi Talib al-Qaisi, il a dit que celui-là est un exemple où l'abrogeant et l'abrogé ne font plus partie du Coran. Hein? Il a dit, je ne connais pas d'exemple pareil dans le Coran. C'est le seul exemple où l'abrogeant et l'abrogé ont été enlevés du Coran. Alors ça, c'est le premier cas de l'abrogation. Le deuxième, c'est ce dont le texte a été abrogé, mais dont l'énoncé juridique demeure en vigueur. Ma nusikha rasmuh, ma nusikha tilawatuh, wa baqiya hukmuh. Ce dont le texte a été abrogé, mais dont l'énoncé juridique demeure en vigueur. Exemple, la lapidation de la personne mariée coupable d'adultère. Rajm al-Zani. Al-Bukhari et Muslim, ils rapportent dans leur sahih qu'Omar radiallahu anhu a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et a fait descendre sur lui les livres. Inna Allah ba'atha Muhammadan wa anzala alayhi al-kitab. Fa kana mimma anzala Allah ta'ala ayat al-rajm. Il dit, parmi ce qu'Allah lui a révélé, il y a un verset sur la lapidation du fornicateur, c'est-à-dire le fornicateur marié. Ayat al-rajm. Rajama Rasulullah wa rajamna ma'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pratiqué la lapidation et nous aussi. D'accord? Ça, c'est les textes des hadiths authentiques là-dessus. Donc, ça, c'est le genre, il y a eu abrogation, enlèvement du texte du Coran, mais le statut, le hukm, la peine de droit est restée. Et parmi les versets qui ont été abrogés, mais dont le hukm demeure, hein, il y a le verset suivant, la tarrabou, la parole suivante, la tarrabou an abaikum fa innahu kufrum bikum. Le Bukhari Muslim le rapporte dans un long hadith qu'Omar a dit, nous récitons entre autres dans le livre d'Allah qu'il ne faut pas que vous reniez votre filiation paternelle, c'est une mécréance que de s'attribuer une descendance autre que celle de son père. Donc ce passage-là, il a été enlevé du Coran. Mais le hukm, c'est-à-dire l'interdiction de renier sa filiation paternelle, il demeure en vigueur. Il y a beaucoup de hadiths là-dessus. Et c'est un péché capital que de renier la parenté de son père ou s'attribuer une descendance autre que celle de son père. Alors, troisième cas d'abrogation, c'est ce dont le hukm, ce dont l'énoncé juridique a été abrogé, mais dont le texte demeure. Le texte, il est écrit, il est dans le Coran, nous le récitons, mais le jugement, nous l'appliquons pas. Le jugement a été abrogé par un autre. C'est-à-dire que, voilà, comme j'ai expliqué, bon, on récite le texte, mais le hukm a été abrogé. C'est ce genre d'abrogation qui est le plus fréquent et qui fait l'objet d'études des savants, hein, des livres ont été consacrés à ce nasr-là. Hein, Ibn Abi Talib al-Qaisi l'a écrit sur ça, Ibn al-Arabi, Ibn al-Nahhas, ils ont travaillé dessus. Suyuti, il en a recensé 21, ce genre d'abrogation. Il en a recensé 21, mais si on les examine minutieusement, ce nombre peut être réduit à une dizaine, hein, parce que certaines abrogations citées ne sont pas des abrogations, mais des restrictions, si vous voulez. Des restrictions, tout simplement. Tarsis hukm. Hein, un texte qui restreint la portée d'un autre texte. Les exemples, parmi ces exemples-là, bon, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Il vous est prescrit lorsque la mort se présente à l'un de vous et qu'il laisse un bien de faire un testament en faveur des deux parents et de ses proches de la manière reconnue, convenable. C'est là un devoir qui incombe à ceux qui craignent. Ça, c'est un verset de sourate Al-Baqarah. Ce verset a été abrogé. Il a été abrogé par le verset de la succession, de l'ert, de l'héritage, hein, qui se trouve dans le sourate Les Femmes. Hein? Et pour ses deux parents, il y aura pour chacun d'eux un sixième de ce qu'il laisse s'il a un enfant. S'il n'a pas d'enfant et que ses parents l'héritent, hein, héritent de lui, ben sa mère aura le tiers. Ceux de son mimma taraka in kana lahu walad, fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawah, fa li ummihi thuluth. Donc ça. Ce verset, il a donné à chacun des parents et des proches sa part d'héritage. Donc, pas de testament en faveur des héritiers. Ils ont déjà leur part. Pas de la wasiyata li waris, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce verset-là, il a abrogé le verset sur le testament. Un autre exemple, cité par Suyuti, il vous est, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Il vous est permis la nuit du jeûne d'approcher vos épouses. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن. Allah sait que vous livriez clandestinement à de tels rapports, mais il ne vous en tient pas rigueur et vous accorde son pardon. À présent, abordez-les et cherchez ce qu'Allah vous a prescrit. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام. Et le manger et buvez jusqu'à ce que vous distinguiez le fil blanc du fil noir de l'aube. Hein? Ce verset-là, qu'est-ce qu'il abroge? Le verset-là, il abroge le verset suivant. Ô vous qui croyez, il vous est prescrit de jeûner comme il fut prescrit à ceux qui étaient avant vous. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ce n'est pas la prescription qui a été abrogée. Ce n'est pas la prescription, le jeûne qui a été abrogé, mais la manière de jeûner qui a été abrogée. Bon, j'explique. Quand ce verset fut révélé, c'est-à-dire le verset كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Oh, vous qui croyez, il vous est prescrit de jeûner comme il fut prescrit à ceux qui étaient avant vous. Quand ce verset fut révélé, les musulmans observaient le même jeûne que ceux qui les avaient précédés. C'est-à-dire que s'ils dormaient la nuit, ils n'ont plus le droit de boire, de manger ou d'approcher leur épouse jusqu'au coucher du soleil du lendemain. C'est bon? C'est-à-dire, bon, au moment du fitr, du coucher du soleil, bon, quand le coucher de soleil arrive, bon, ils rompaient leur jeûne. Mais si jamais ils dormaient, c'est-à-dire si jamais ils dorment après ce moment-là, et se réveillent au cœur de la nuit ou une heure plus tard, où ils n'ont plus le droit de manger et de boire. Ils n'ont plus le droit d'approcher leur épouse. Hein? Supposons que le maghrib, le coucher du soleil est à 19h, ben, si quelqu'un, bon, 19h, il fait la prière du Maghreb, il mange, et puis à 20h, il dort. Et s'il se réveille une demi-heure plus tard, à 20h, 20h30 ou à 21h ou une heure plus tard, il n'a plus le droit de boire, ni de manger, ni d'approcher son épouse. Il n'a plus le droit. Jusqu'au lendemain, jusqu'au Maghreb du lendemain. Hein? Et des fois, bon, ça leur est arrivé. Ils dormaient, puis ils se réveillaient, et puis, bon, la nuit, ils approchaient leurs épouses. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a fait? Il a allégé ce hukm par le verset Uhilla lakum laylata as-siyam ar-rafath ila nisa'ikum. Il vous est permis, la nuit du jeûne, d'approcher vos épouses. Elles sont un vêtement pour vous, vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous vous livriez clandestinement à de tels rapports. Il sait que vous commettiez ça, bien que vous dormiez, bon, vous vous réveillez, vous commettez, vous approchez votre épouse, vos épouses. Bon, il y a une histoire dans Sahih al-Bukhari, c'est Qissat Qais ibn Sirma al-Ansari, l'histoire de Qais ibn Sirma, le Médinois. Et au moment du Fitr, bon, il a eu des rapports avec sa femme. Il a eu des rapports avec sa femme au moment de la rupture du jeûne. Et une fois terminé, il lui dit, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Bon, il alla chercher à manger. Et quand elle est revenue, s'était déjà endormi. Parce qu'il était fatigué, il s'était déjà endormi. Bon, il s'était déjà endormi, ça y est, il n'a plus le droit de manger. Bah, imaginez, il a eu des rapports avec sa femme, il n'a rien mangé. Et le lendemain, il s'est évanoui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce verset, hein, pour alléger la contrainte. Comme exemple aussi concernant le jeûne, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. Ceux qui peuvent le supporter le jeûne, devront assurer à titre de compensation la nourriture d'un pauvre pour chaque jour de jeûne non observé. Ce passage-là a été abrogé par le verset celui d'entre vous qui aperçoit le mois qu'il jeûne, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. D'accord? C'est-à-dire que avant ils avaient le choix. Et celui, bon, qui n'a pas jeûné, bon, qui donne à titre de compensation, bon, il nourrit un pauvre. Mais après, ça y est. Celui qui d'entre vous qui aperçoit le mois qu'il jeûne. Mais certains savants disent qu'il n'y a pas abrogation, comme Ibn Abbas. Ibn Abbas, il a expliqué, il a dit yutayquna, ceux qui peuvent, yutayquna, il a expliqué yutayquna par ceux qui ne peuvent pas le supporter, qui ne peuvent le supporter qu'avec grande difficulté, comme les vieillards, la femme enceinte et la femme qui allait. Il a dit ce verset s'applique à ce genre de personnes. Voilà, hein. Et il lisait yutawakuna, il dit yutawakuna, ça veut dire qu'il le supporte avec difficulté. Et cet avis, il est adopté par Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il dit non, ce verset n'a pas été abrogé, mais ça, il s'applique à la femme qui allaite, la femme enceinte et les vieillards. Ils ne peuvent pas, bon, dans ce cas, ils doivent une compensation, ils doivent nourrir un pauvre pour chaque jour de jeûne non observé. Comme autre exemple, bon, le verset wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum. N'épousez le verset wala tankihu, n'am, sourate al-Baqarah, wala tankihu al-mushrikati hatta yu'min. N'épousez pas les associatrices avant qu'elles n'embrassent la foi. N'épousez pas les associatrices avant qu'elles n'embrassent la foi, c'est sourate al-Baqarah. Ce verset a été abrogé par hein, vous sont licites, hein, les femmes respectables faisant partie de ceux qui ont reçu le livre avant vous, c'est-à-dire les juives et les chrétiennes. Hein, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبَلِكُمْ. Mais là, bon, ça c'est verset surat al-Ma'ida, où Allah subhanahu wa ta'ala autorise d'épouser les femmes des gens du livre, qui fait partie du genre du livre, les juives et les chrétiennes. Mais bon, il ne s'agit pas ici d'une abrogation, mais d'une restriction, c'est un tarsis. Le premier verset a une portée générale. Il parle des associatrices, les associatrices de manière générale. Et le deuxième verset, il en restreint la portée, ce qu'on appelle tarsis. On va parler, inchallah, de ça. Certains disent qu'il n'y a pas d'abrogation dans le Coran. Il n'y a pas d'abrogation. Mais ceux-là, ils en freinent, en fait, l'ijma. Ils ont des arguments à faire affecter. Et d'autres ont dit que la plupart des versets sur la paix avec les mécréants, les versets qui appellent à l'indulgence, la patience, les pactes avec les mécréants, les trêves, hein, ces versets-là ont été abrogés par les versets du jihad. Et ça, sincèrement, ça c'est une forme d'extrémisme. Hein? Tuer les versets qui appellent à l'indulgence, au dialogue, à la trêve, à la bienfaisance, et les versets qui appellent à combattre, sont tous muhkam, sont tous péremptoires. Il faut les appliquer tous. Et le combat, bon, il dépend de la force et de la faiblesse, aussi les appréciations du wali, du gouverneur, est-ce qu'il conclut un pacte ou non, etc. Les versets sur l'interdiction progressive du vin, on ne peut pas parler d'abrogation concernant ces versets-là. Mais nous disons qu'il s'agit d'une abrogation partielle. Hein? Comme quand Allah subhanahu wa ta'ala dit que n'approchez pas la prière en étant ivre. Hein? Et dans un autre verset, elle dit, dans le vin et le jeu du hasard, il y a du isthme, des péchés, des avantages, mais les dommages sont plus grands que les avantages. Là, ça, c'est pas vraiment une abrogation, mais une abrogation, si vous voulez, une abrogation partielle. Hein. Au début, n'approchez pas la prière, c'est-à-dire en dehors de la prière, vous pouvez quelque sorte boire, mais après, bon, dans le jeu du hasard, dans le veil, le jeu du hasard, bon, il y a du péché, des dommages et des avantages, mais les dommages prévalent ou sont supérieurs, sont plus importants, plus grands que les avantages. Là, c'est une autre étape qui mène à l'interdiction. À la fin, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu wa rijsun min amal ash-shaytan » Le vin et les rijs, c'est une impertinence. Une impureté, une œuvre de Satan. Fajtanibou, évitez-le. C'est pas seulement il est illicite, mais il faut l'éviter, il faut s'en éloigner, carrément. Et vous allez remarquer avec moi que l'abrogation a un point commun avec la restriction du général, hein, avec Tarsis ul-Am. D'ailleurs, les pieux prédécesseurs appelaient la restriction de Tarsis, ils l'appelaient Nasr. C'est très important de connaître le vocabulaire des pieux prédécesseurs pour ne pas tomber dans la confusion. Hein. La restriction, le tarsis, est un nasr partiel. Alors, l'hikma, les sagesses sous-jacentes à l'abrogation. Quelles sont les sagesses? Premièrement, si Allah a maintenu certains versets, tout en abrogeant le hukm, l'énoncé, juridique, comme l'enseignement, c'est pour nous montrer que la récitation de ces versets-là, qui sont mansour, abrogés, la récitation de ces versets est en soi un acte d'adoration. Le hukm a été abrogé et la graphie est restée. Alors récite-la par adoration à Allah. même si tu n'es pas tenu, ou tu es tenu de ne pas le mettre en application. D'accord? Quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum. Pour celles de vos femmes qui ont commis une turpitude, ont commis l'adultère, fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum, demandez que quatre d'entre vous apportent leur témoignage contre elles. Fa'in shahidu fa'amsikuhunna fil buyut, s'ils témoignent de leur adultère, enfermez-les dans les maisons. Fa'amsikuhunna fil buyuti hatta ya'tiyahunna al-maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila. S'ils témoignent, enfermez-les dans les maisons jusqu'à ce que la mort les saisisse, à moins qu'Allah ne leur institue un moyen de salut. Quant à celui ou celle d'entre vous qui l'ont commise, l'adultère, c'est-à-dire l'adultère, punissez-les. Donc, ces versets-là ont été abrogés par le verset de la flagellation et par le hukm de la lapidation. Non. Donc, au début, c'était ça, enfermer la femme dans la maison, qu'elle ne sorte pas, et si deux personnes vont commettre l'adultère, bon, c'est une peine, il faut leur appliquer une peine discrétionnaire. Discrétionnaire, c'est-à-dire une peine estimée par le juge. D'accord? Mais après, non, ça y est, c'est fixé, sans coup de fouet, ou la lapidation, quand ces gens-là sont mariés. D'accord? Donc, bien qu'il soit abrogé, ce verset-là, ces versets-là, on les récite par soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. En général, dans l'abrogation, ça c'est l'une des sagesses aussi, il y a dans l'abrogation un allègement. Hein? Généralement, les lois sévères sont remplacées par les lois souples. Hein? J'ai donné l'exemple du jeûne. L'interdiction de manger, de boire, d'approcher sa femme, et après avoir dormi la nuit, puis ce hukm s'est allégé par l'autorisation de manger, de boire jusqu'à l'aube. D'accord? De même, le verset, par exemple, de la musabara, ce qu'on appelle ayat la musabara, la patience dans le combat. Au début, il faut combattre, même si on est en face d'un ennemi 10 fois supérieur. Obligatoire. Hein? Si l'on est parmi vous seulement 20 qui soient endurants, ils en vaincront 200. 100 vaincront 1000 mécréants. Et ce verset a été abrogé par le verset الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا 200. Mais maintenant, tenant compte de votre faiblesse, Allah a allégé pour vous la contrainte. S'il y a parmi vous 100 combattants qui sont endurants, ils vaincront 200. C'est-à-dire le double. Donc, on a le droit de se retirer par tactique de guerre si l'ennemi est 10 fois supérieur. Donc, bon, en regardant le texte coranique dont le hukm a été abrogé et remplacé par un hukm plus léger, subhanallah, tu ressens la miséricorde et la compassion d'Allah pour toi. D'ailleurs, toute la charia islamique est souple, est simple, et elle a abrogé les anciennes lois qui était rigoureuse et sévère. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète pour ça, le prophète Mohammed pour ça. قال ويضعوا عنهم إسرهم الأغلال التي كانت عليهم سورة الأعراف, qui les soulage de leur engagement ainsi que des entraves qui leur pesaient. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث, leur autorise ce qui est licite et leur interdit ce qui est mauvais. Autre sagesse, c'est la gradation dans la compréhension du manhaj d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah le sage, la gradation dans l'éducation. En lisant les versets abrogés, on comprend comment Allah subhanahu wa ta'ala éduque ses serviteurs étape par étape. La tazkiya, qui est une éducation spirituelle intérieure, se fait par étape. On apprend comment éduquer nos enfants et comment le gouverneur où tout homme responsable dirige ses sujets. Comparant l'interdiction progressive du vin par le Coran et comment Il a, le Coran a amené les Arabes qui étaient de grands amateurs de l'alcool à cesser cette habitude. Hein? Comparons cela avec la tentative avortée des États-Unis, hein, avec la prohibition dans les années 20. Donc, sagesse, c'est la gradation. Une sagesse éducative. Comme autre sagesse, il y a la mise à l'épreuve de la foi du musulman. Il récite les versets dont le hukm a été abrogé sans la moindre gêne dans son cœur. Hein? Et pour qu'il ne fasse pas comme font les gens de la bid'a, les gens de l'innovation, qui s'accrochent à un hukm, à un statut, à un hukm abrogé et rejettent le péremptoire, le muhkam. Hein? Bon, voilà ce qu'il en est de l'abrogation, et non pas qu'on prétende certains qu'Allah subhanahu wa ta'ala a changé d'avis. Ça, c'est les détracteurs de l'islam, ils disent ça. L'abrogation, c'est quoi? Bon, ça veut dire que Dieu a changé d'avis. Il a décidé ceci, puis les choses se découvrent à lui différentes de ce qu'il avait décidé. Non, non, non, non, pas du tout. Allah est le créateur du manifeste et du non-manifeste. Alimul ghaybi wa shahada. Quand il abroge, c'est en égard à ses serviteurs. C'est en considération de l'état de ses serviteurs. Sinon, Allah subhanahu connaît tout. Et ce n'est pas qu'il change d'avis. Na'oudhu billah. Ce n'est pas, Allah subhanahu Allah ne plaise. Allah est exempt de cet attribut d'imperfection. Non, Allah subhanahu il décide en considération des intérêts de ses serviteurs. L'une des sagesses aussi, c'est pour mettre en évidence la promptitude de cette communauté à se conformer aux ordres d'Allah. Tel ordre a été révélé, ils s'y soumettent. Une fois abrogé par un autre, ils laissent l'abrogé et se conforment à l'abrogeant. Et non pas comme font, comme avaient fait les fils d'Israël, et ils accablent leur prophète de questions. Moussa alayhi salam, quand il leur a dit, Allah vous ordonne d'égorger une vache, au lieu de se conformer à cet ordre qui vient d'Allah et qui leur est transmis par la bouche d'un éminent prophète, Moussa alayhi salam, ils disent, tu moques-tu de nous? Puis ils ont dit, demande à ton Seigneur qu'il nous précise clairement comment elle doit être. Demande à ton Seigneur quelle doit être sa couleur. Subhanallah. Allah subhanahu il leur dit, n'importe quelle vache, égorgée n'importe. Ils accablent leur prophète de questions. Non, cette communauté est meilleure. Elle se conforme aussitôt à l'ordre. Elle se conforme en hâte à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qui concerne le verset sur la lapidation, bon, pourquoi il a été effacé par Allah tout en gardant son hukm? Bah, Siyouti, il a dit que puisque c'était une peine très sévère, Allah ne l'a pas gardé dans le Coran par allègement pour la communauté. Alors, imaginez que toute la communauté récite ce verset sur la lapidation, c'est pénible. Et il a ajouté, il a dit qu'il y a dans cette abrogation une indication qu'il faut veiller à cacher ce genre d'actes abominables et de ne pas trop le dénoncer. Wallahu a'lam. Ça, c'est ce qu'a dit l'imam Suyuti rahimahullah. Voilà ce qui en est de l'abrogation. Nous allons passer maintenant au texte présentant des apparences contradictoires. Ça, c'est le 48e chapitre de l'Itqan de l'imam Suyuti. An-naw'u thamin wal-arba'oun fi mushkilihi وَمُوهِمِ الْإِخْتِلَافِ. Texte présentant des apparences contradictoires. Suyuti a dit que Qutrub lui est consacré un livre. Qutrub, c'est Mohammed ibn al-Mustanir, le célèbre linguiste et grammairien. Il est mort en 206 de l'Hégire. Qutrub, c'est l'élève de Sibawayh. Son livre s'appelle Ar-Raddu ala al-Mulhidina fi mutashabihi al-Qur'an. Nous avons cité Ibn Qutayba, nous avons dit qu'il a consacré un livre à Mushkil al-Qur'an, et dernièrement, Mohamed Lamine Shanqiti, hein, l'éminent savant mauritanien, L'auteur de Ado Albayen, il a fait un livre sur Mushkil Coran, sur les apparences contradictoires du Coran. Il l'a appelé Daf'u Iham al-Idtirab an Ayat al-Kitab. Bon, tout d'abord, le Coran est exempt de contradictions. Ça, c'est clair et évident. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Que nous médite-t-il le Coran? S'il venait d'un autre Allah, d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes beaucoup de contradictions. Hein? Il n'y a pas de contradiction dans le Coran, mais il y a variation, ressemblance, complémentarité. Hein? Pour le débutant, certains textes paraissent contradictoires, mais quand on approfondit ses connaissances, on comprend que tel texte est sur telle circonstance, tel autre sur telle autre circonstance. On comprend, hein, grâce au contexte, qu'il n'y a pas de contradiction. Les premiers qui ont soulevé ce genre de questions d'apparence contradictoire, vous devez connaître qui? Ce sont les Khawarij. Parce que les Khawarij, ils suivent le mutashabih, suivent les ambiguïtés, les incohérences. La déviation qu'ils ont dans le cœur et leur esprit superficiel, hein, ils ne comprennent que le sens littéral du texte, bah, tout cela, bon, suscite ce genre, chez eux, suscite ce genre de choubouhat. Nafi' ibn al-Azraq, qui est un chef de file d'une secte kharijite, il a soulevé ce genre de choubouhat auprès d'Ibn Abbas, le noble compagnon Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu. Hein? L'imam Suyuti, il cite dans son Itqan que l'imam Abdur Razzaq, savant du hadith, rapporte dans son livre d'exégèse, Kitab Tafsir, d'après une chaîne qui remonte à Saïd ibn Jubair. Saïd ibn Jubair, c'est un noble tabi'i. Il a vécu, il a connu de nobles compagnons. Et d'après une chaîne qui remonte à Saïd ibn Jubair, qu'un homme vint trouver Ibn Abbas. Cet homme-là, il s'agit de Nafi' ibn al-Azraq. Il lui dit: je trouve dans le Coran des choses qui m'apparaissent en désaccord entre elles. Il a dit à Ibn Abbas. Ibn Abbas a dit: qu'est-ce sont ces choses? S'agit-il d'un doute au sujet du Coran? Il dit: non, non, ce n'est pas du doute, mais un désaccord qui m'est apparu. Laisse à chaque walakin. Elle dit: donne-nous ce qui t'apparaît en désaccord. Et Nafir, il a dit: j'entends Allah dire: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. Alors, dans leur fitna, dans leur tentation, dans leur désarroi, ils dirent: par Allah, notre Seigneur, nous n'étions pas associateurs. C'est-à-dire, les mouchriquins, les associateurs, vont dire à Allah, ils vont jurer, ils disent: par Allah, notre Seigneur, nous n'étions pas mouchriquins, nous n'étions pas associateurs. Dans un autre endroit, ça c'est une affaire qui parle, dit: dans un autre endroit, je l'entends dire, c'est-à-dire, j'entends Allah dire: وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. Ils ne pourront dissimuler à Allah le moindre propos. Or, d'après le premier verset, ils ont dissimulé. Il m'a dit: voilà, ils ont juré qu'ils ne sont pas des associateurs. Donc, ils ont dissimulé la vérité. Mais dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: wala yaktumuna Allah haditha, ils ne pourront dissimuler à Allah le moindre doute. Et Ibn Abbas lui dit: en ce qui concerne sa parole, thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin, alors dans leur désarroi, dans leur tentation, ils dirent: par Allah, notre Seigneur, nous n'étions pas des associateurs. Il dit: lorsque le jour de la résurrection, les associateurs verront qu'Allah pardonne les péchés, sauf le shirk, sauf l'association, et que quelle que soit la gravité du péché, Allah le pardonne, ils ont nié lui avoir donné des associés, dans l'espoir d'être pardonnés. Ils ont dit alors: par Allah, notre Seigneur, nous n'étions pas des associateurs. Et Allah, ça c'est Ibn Abbas qui parle, Allah apposera un sceau à leur bouche. Et là, ce sont leurs mains et leurs pieds parleront de ce qu'ils auront fait dans ce monde. فَخَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ فَتَكَلَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ibn Abbas, il fait allusion au verset qui se trouve dans sourate Yassine. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. Hein? Ce jour-là, nous scellerons leurs bouches et leurs mains ainsi que leurs pieds Nous scellerons leur bouche et leurs mains ainsi que leurs pieds, nous parlerons de ce qu'ils avaient commis. Et à ce moment-là, il dit, Ibn Abbas, à ce moment-là, ceux qui auront été impies et auront désobéi à Allah, auront désobéi à l'envoyé, souhaiteront être rendus semblables à la terre et qu'ils ne dissimuleront à Allah le moindre propos. Et là, Ibn Abbas lui récite le verset en question qu'il a l'objet de doute, l'objet de Shubha chez Nafi ibn al-Azraq. Donc, lui a dit, hein, quand il lui a dit, bon, wala yaktumun Allah haditha, Ibn Abbas lui dit, lui cite ce verset-là, il dit, yawaddu al-ladhina asaw al-rasoola. يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. Ceux qui auront été impies et qui auront désobéi à l'envoyé souhaiteront être rendus semblables à la terre et qu'ils ne dissimuleront à Allah le moindre propos. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. C'est-à-dire qu'après que leurs pieds et leurs mains les dénonceront, ils regretteront d'avoir menti dans une situation pareille devant Allah. Donc, le contexte diffère, la situation diffère. Donc, il lui a expliqué cette chouba. Nafi, il a dit, aussi, il a dit dans un endroit du Coran, j'entends Allah dire, فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Il ne sera plus question de liens de parenté qui les unissent et ils n'interrogeront plus les uns les autres. Ils n'interrogeront plus les uns les autres. Surat al-Mu'minun. Puis il dit dans un autre endroit, il dit, فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Puis ils se tournent les uns vers les autres en s'interrogeant. C'est-à-dire, dans un verset, ils ne s'interrogeront plus les uns les autres, et dans le deuxième, ils s'interrogeront les uns les autres. Ibn Abbas lui répondit, quand on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah aura acceptés. Et à ce moment-là, il n'y a rien, il n'y a ni lieu de, ni lien de parenté, et personne n'interrogera l'autre. D'accord? Ça, c'est le premier souffle. Personne n'interrogera l'autre. Il n'y a plus de lien de parenté. Au deuxième souffle de la trompe, ils se lèveront de leur tombe en regardant ce qui se passe et se retourneront les uns vers les autres pour les interroger. Qu'est-ce qui nous arrive, hein? فإذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. Là, il lui répond par un verset du Coran. Au deuxième souffle de la trompe, là, ils se lèveront de leur tombe en regardant ce qui se passe et se retourneront. Ils vont, chacun va demander qu'est-ce qui nous arrive. Donc, il y a des étapes. L'étape diffère. Bon, on lui a posé d'autres questions. Hein, et les apparences contradictoires sont nombreuses. Hein, c'est le sujet préféré des orientalistes et des détracteurs de l'islam. Je cite un exemple. Je cite un exemple auquel Suyuti a fait allusion dans ce chapitre-là. Et qui me paraît intéressant parce que beaucoup aujourd'hui le comprennent mal. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنْ إِخِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. Si vous craignez de manquer d'équité à l'égard de ses épouses, n'en prenez alors qu'une seule. D'accord, ça c'est le verset sur le mariage. Ça c'est dans Sourate Nisa. D'après ce verset, d'après ce sens implicite, le sens implicite, comme on verra ça, bon, mafhoum al-aya, c'est qu'il est possible d'être équitable avec ses épouses. Si vous, parce que le verset il dit, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا. Donc d'après le sens implicite, je comprends que si je ne crains pas, le verbe khafa ici c'est savoir, a le sens de savoir. Si vous savez que vous allez être équitable, alors épousez deux, trois ou quatre. Si vous savez que vous allez être équitable entre elles, donc vous avez le droit. D'après le sens que j'ai tiré de ce verset-là, si vous craignez de manquer d'équité à l'égard de ses épouses, n'en prenez alors qu'une seule. Sens implicite, si vous savez que vous allez être équitable, alors prenez plus. D'accord? Dans un autre verset de la même sourate An-Nisa, Allah il dit: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. Combien même en auriez-vous la ferme résolution, vous ne pourrez être équitable envers vos femmes. Donc, dans le premier verset, possibilité d'équité. Dans le deuxième verset, impossibilité d'équité. Contradiction apparente, certes, mais en réalité, il n'y a pas de contradiction. Hein, quand on médite les versets. Ce qui est nié dans ce dernier verset n'est pas ce qui est affirmé dans le premier verset. Suivez bien. L'objet de la négation ici n'est pas l'objet de l'affirmation dans le premier verset. Et donc les deux énoncés se distinguent. Idan fakkatil jihatun fakkal hukm, comme disent les exégètes. L'affirmation concerne autre chose que la négation dans le deuxième verset. J'explique. Vous ne pourrez être équitable envers vos femmes. La négation ici est une négation de l'équité en matière d'amour et de sentiment d'affection. Hein? Équité en matière de sentiment. Vous n'avez pas la capacité de les aimer toutes de la même façon. Votre cœur, vous ne pouvez pas le dominer. Ça, personne ne peut réaliser cette équité. Le prophète sallam aimait Aïcha plus que ses autres épouses. Et là, le verset met en garde contre le fait de quoi? Contre le fait d'incliner de toute sa passion en faveur de celle qu'on aime le plus, au point de négliger l'autre, au point de négliger les autres. Parce que la suite explique qu'il s'agit de l'équité, de la possibilité de l'équité en matière d'amour. Il explique ça. قال فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة. Par conséquent, ne penchez pas totalement, la tamil le kul el meil, ne penchez pas totalement en faveur de celle que vous aimez le plus. Hein? Le penchement total, kul el meil, le penchement total est interdit. Le penchement partiel, on ne peut pas l'éviter. Mais le penchement total est une injustice. Donc, فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. Ne penchez pas totalement en faveur de celle que vous aimez le plus, en sorte que vous la laisseriez comme celle qui est en suspens. C'est-à-dire, فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ, en sorte que vous laisseriez l'autre épouse, hein, comme celle qui est en suspens, ni mariée ni divorcée. Vous penchez vers une, vous négligez l'autre, la pauvre, elle n'est ni mariée ni divorcée. Donc Allah subhanahu wa ta'ala met en garde contre ce genre d'inclination qui est une forme, en fait, une forme d'injustice. Hein? D'accord? Donc ça, c'est pour, j'ai expliqué comment concilier ces deux versets-là. Donc ici, la négation de l'équité sentimentale. Dans l'amour. Quant au premier verset, si vous craignez de manquer d'équité à l'égard de ces épouses, n'en prenez alors qu'une seule. Il s'agit de la possibilité de l'équité dans les droits. Le logement, la nourriture, l'habillement, le partage des nuits, ça, obligatoire. Faut être équitable sur ce plan. Et là, il y a une remarque, c'est que, bon, ce verset, vous ne pourrez être équitable envers vos femmes, n'implique pas qu'il faut être avare de sentiments envers l'autre. Hein, certains frères, ils disent que les fuqaha disent qu'il faut être équitable dans le partage des nuits et des dépenses d'entretien. Point, c'est tout. Oui, ça c'est le fiqh. Le fiqh, il regarde les ahkam, l'obligatoire, l'interdit, le makruh, le recommandé. Mais là, on est, subhanallah, où est ton mariage où est ton mariage de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et parmi ces signes, wa min ayati an ja'ala lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma. Et parmi ces signes, il a créé pour vous à partir de vous-même des épouses afin qu'auprès d'elles vous trouviez le repos. Il a établi entre vous affection et miséricorde. Donc la base du mariage, les bases du mariage sont le repos. Tu la sécurises et elle te sécurise, hein, l'affection et la miséricorde, hein. Et que ce soit la première ou la deuxième, ça, ce sont les finalités du mariage. Faut regarder les finalités. Faut pas s'arrêter à ce que disent les fouqaha, hein. Ce sont celles-là les finalités du mariage. Et qu'Allah fasse miséricorde à notre éminent savant, l'imam Shatibi, qui a lié le hukm à la sagesse. Hein, parce que bon, le fiqh, quand on l'a étudie, le cœur durcit parce que bon, on ne voit les choses que du point de vue leur statut, quoi. Telle chose est obligatoire, telle halal, haram, makruh, etc. Mais ça fait abstraction aux finalités. Voilà, en ce qui concerne, bon, ça c'est des exemples sur Mushkil Qur'an. Hein. À propos des exemples, à propos de l'origine de l'homme. Ça aussi, certains quand ils lisent que l'homme a été créé à partir d'une goutte de sperme, ils trouvent dans d'autres versets qu'il a été créé à partir de terre, dans d'autres versets qu'il était sous forme de minuscules, comme zar, c'est-à-dire des petites poussières sur le dos de notre père Adam, dans un autre c'est argile, de l'argile comme de la poterie, et lui, ça lui paraît ambigu, ça lui paraît contradictoire en quelque sorte. Sur l'origine de l'homme, Allah dit par exemple dans un verset, il dit dans « Lorsque ton Seigneur tire des fils d'Adam en les sortant de leurs reins, leurs descendants, il les prit à témoin. Ne suis-je pas votre Seigneur? » Ils répondirent que si, dans Sourate Al-A'raf, « Wa id akhadha rabbukum bani Adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidina. » Ça, c'est le premier engagement des fils d'Adam. C'est qu'Allah a passé sa main sur le dos d'Adam et on tira ses descendants de la taille de zar, c'est-à-dire de minuscules fourmis. Puis les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Que si, nous avons répondu. Donc nous avons témoigné que nous étions dans les reins de notre père Adam. Bien que nous nous en rappelons pas, mais nous l'avons gardé dans notre âme. C'est la prime nature selon laquelle Allah nous a créés. C'est le fitra, c'est le tawhid. D'accord? Donc ça c'est l'ishhad al-awwal, c'est le premier témoignage que nous avons fait quand nous étions dans les reins de notre père Adam. Ça c'est dans l'autre monde. Et dans un autre verset, Allah subhanahu dit, c'est un de ces signes de vous avoir créé de terre et a fait de vous des êtres humains répandus sur terre. Hein? Dans sourate Ar-Rum, min ayatihi, an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun. Il vous a créé de terre. Dans un autre verset, c'est lui qui vous a créé à partir d'argile. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجله أجله سورة الأنعام. Dans un autre verset, nous les avons créés à partir d'une argile agglutinée. من طين لازب سورة الصافات. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. Dans un autre verset, nous avons créé l'homme à partir d'une boue sèche et fétide. D'une boue sèche et fétide. Donc, est-ce que ces versets se contredisent? Non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous expose les étapes de la création de l'homme. Nous étions comme des minuscules fourmis dans le dos de notre père Adam. C'est une étape. Adam a été créé de terre. Cette terre fut mélangée avec de l'eau. Et c'est devenu tain, c'est devenu argile. Avec le temps, cette argile s'est agglutinée, ces éléments se sont collés les uns aux autres, et c'est devenu tin lazib. C'est devenu tin lazib. C'est boue sèche. D'accord? C'est devenu tin argile agglutinée. D'accord? Ces éléments se sont collés les uns aux autres. Voilà, ça donne. C'est devenu une argile agglutinée. Avec le temps, cette argile agglutinée a dégagé une odeur fétide. C'est ce qu'on appelle mesnoun. Hein? Ça a allusion au verset. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون كما دي الله سبحانه وتعالى سورة الحجر. Nous avons créé l'homme à partir d'une boue sèche et fétide. Donc, voilà. L'argile asséchée durcit comme de la poterie, si bien que lorsqu'on la tape avec les doigts, il résonne. C'est ce qu'on appelle salsala. Hein, d'où le nom de salsal. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. Il a créé l'homme d'une boue séchée semblable à celle qui est utilisée dans la poterie. D'accord? Al-Fakhar, c'est la poterie. Donc voilà. Donc tous ces versets-là ne se contredisent pas, mais ils parlent chacun d'une étape de la création de l'homme. Al-Fakhar, c'est la poterie, même en darja, en langue arabe, en langue usuelle, l'usage. L'arabe qui est d'usage aujourd'hui, on dit Al-Fakhar. Al-Fakhar, c'est la poterie. D'accord? Donc ces versets-là ne se contredisent pas. Voilà ce qu'il en est des apparences contradictoires du Coran, ce qu'on appelle Mushkil Qur'an. Bon, je m'arrête ici, inshallah. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.